Salut mesdames, messieurs, personnes non binaires. Voilà, c'est de nouveau Thomas Munier. Donc là, j'enregistre ma deuxième contribution au podcast Frankenstein sur les Actual Play. Donc là, l'idée, c'est dans un premier temps, je vais finir en fait ce que j'avais entamé dans ma première contribution. Et s'il me reste un peu de temps, ensuite, je vais réagir un petit peu aux contributions des autres personnes. Donc j'avais fini ma première intervention en parlant donc de l'actual play en fait comme au niveau de son rapport avec le spectacle et avec l'immersion. Donc là je vais poursuivre à ce point-là. Donc on voit par exemple dans le podcast Role and Play, hein, donc où c'est des acteurs professionnels hein, qui jouent les personnages, on voit qu'ils jouent la joueuse, c'est-à-dire que la façon, tout leur jeu méta, notamment les remarques qu'ils font en confessionnal et tout, on sent que y a de l'acting aussi en fait. C'est-à-dire qu'ils font pas de l'acting uniquement quand ils incarnent leur personnage, mais aussi finalement eh ben, quand ils jouent. Ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans du jeu non enregistré. Hein. Et si pour aller plus loin, il y a Roleplay That Movie. Où en fait on passe de l'actual play à la fiction rôliste. C'est-à-dire que dans Roleplay That Movie, tu vois des gens jouer à une partie de jeu de rôle qui reprend en fait l'intrigue d'un film. Tu réalises que en fait, au cours de leur partie, de façon un petit peu. Le hasard fait qu'ils se remettent à jouer toute l'intrigue d'un film. Bon, c'est humoristique, hein. Mais en fait, du coup, tu vois bien que c'est une fausse partie de jeu de rôle en réalité, quoi. La partie, elle a été scriptée de A à Z. Quelque part, c'est quelque chose qu'on va retrouver IRL, enfin, d'une façon proche, avec par exemple le scénario de Happy Together où on joue des rôlistes. Il commence à avoir une sacrée mise en abîme là-dedans. Toujours au niveau de l'actuel movie, de l'actuel play comme spectacle, se pose la question de la responsabilité donc du contenu de votre partie vis-à-vis d'un public. Donc par exemple dans le premier épisode d'aventure, il y a quand même des blagues et des remarques bah, assez limites, même très limites, et ça a été critiqué. Et donc on peut se poser la question, en fait, une fois que tu diffuses ta partie, finalement, c'est plus dans le cercle privé, donc tu as une responsabilité de ce que tu vas dire et jouer vis-à-vis d'un public. On a le même cas avec les comptes rendus de partie. Je prends souvent l'exemple du compte rendu de partie du jeu de rôle La Cause qui s'appelle Les États-Unis noirs d'Amérique. Donc c'était sur les ateliers imaginaires. Donc Morgane Rennie avait fait jouer une partie où en fait il jouait dans les années 70 des Black Panthers qui tuaient le gouverneur d'un État en fait pour s'emparer d'un État des États-Unis et le donner aux Afro-Américains. Et donc le compte rendu de partie avait été critiqué parce que c'était une approche qui n'était pas réaliste de ce qu'étaient vraiment les Black Panthers, de ce qu'étaient vraiment les mouvements afro-américains pour les droits civiques. Mais en fait, de là, on peut en déduire carrément, même quand finalement on ne sait pas ce qui se passe dans ta partie, est-ce que t'as pas une responsabilité voilà, sociale par rapport à ce qui est dit dans ta partie? Est-ce que dès que tu vas raconter en convention ce que tu fais dans tes parties, tu vas pas te retrouver critiqué? Donc ça c'est une question vraiment importante finalement, la responsabilité sociale, est-ce qu'on a un devoir d'exemplarité quand on joue avec ou sans public? Ensuite, on arrive à la notion de jeu de rôle comme spectacle vivant, théâtre vivant, sur le forum Les Courants Alternatifs. Donc, il y avait une personne qui avait ce projet-là, en fait, de faire du théâtre. Je pense que c'était du théâtre de rue, hein, de faire du théâtre de rue, mais avec bon, avec beaucoup d'impro et surtout avec des événements qui étaient finalement provoqués par des règles de jeu de rôle, quoi. Donc par exemple, mettons, il y en a un qui veut frapper le gendarme avec son bâton, bah, on va faire un jet de dé pour savoir s'il réussit un super coup de bâton ou si au contraire il se vautre lamentablement. Et puis évidemment, c'est joué en même temps, quoi, hein. Alors, évidemment, finalement, à ce stade-là, on en revient presque au jeu de rôle un peu Commedia dell'arte, mais c'est encore une fois, hein, c'est quand il y a des gens qui regardent ce que vous faites en convention, vous arrivez. Il y a aussi, bon, on voit des spectacles d'escrime artistiques ou même pourquoi pas des GN avec public. On a cette notion-là en fait de donner à voir en fait la mécanique parce qu'elle fait partie du spectacle et de l'intérêt quoi. Donc ça va finalement à l'encontre des actuelles plaies telles que les celles de Milvaux où on masque absolument toutes les mécaniques pour qu'on n'entende que de la narration quoi. Ou 2D6 plus cool qui coupe les jets de dés au montage. Alors il y a un commentaire intéressant sur le deuxième épisode de Games of Thrones, commentaire fait par Robin B. Un tout petit truc qui revient souvent et qui est un peu dérangeant, c'est quand les PJ disent « Je vais faire un jet de perception » ou encore « Je vais essayer de l'apaiser avec ma compétence ». Ça brise l'immersion et dans tous les cas, c'est au MJ de décider si oui ou non il y a besoin d'un jet de dés et quel jet en particulier. Ce serait bien mieux de dire « J'ai examiné plus particulièrement cet élément qui me paraît suspect » ou encore « Oh, tu sais, le vide, au final, ce n'est qu'un appel auquel il ne faut pas répondre. Regarde juste devant toi, pense à l'arbre que tu vois au loin. N'est-il pas imposant ?» Là, c'est marrant. Finalement, on a un public qui fait un appel à l'immersion et qui finalement émet un jugement sur la façon dont les acteurs jouent dans Game of Thrones, quoi. Tout comme à l'inverse, ces mêmes immersionnistes vont saluer les celles de Milvaux où justement on n'entend jamais la mécanique et ça s'écoute quasiment comme une fiction audio quoi. Hein. Il y a une mécanique hein, les celles de Milvaux, mais c'est mécanique narrative, sans chiffres. Finalement, c'est un petit peu à l'inverse de ce que disait Fibre Tigre avec ce dé qui est une sorte de mal nécessaire parce qu'il apporte le frisson du suspense quoi. Alors des actual plays que par exemple moi qu'on va vraiment écouter par la mécanique, c'est Tour de garde de Julien Pouard où en fait ils font un playtest du jeu et donc là on va vraiment écouter des gens playtester un jeu quoi. Le jeu n'est pas fini, ça c'est intéressant. Tout comme moi je sais que j'ai surtout, j'écoute avec beaucoup d'attention Danger et Décision, parce que c'est des gens qui jouaient Old School Renaissance et je voulais vraiment savoir comment ils y jouaient, comment ils jouaient à ce type de jeu, quoi. Old School Renaissance, c'est plus finalement une façon de jouer que des mécaniques. Ça nous renvoie à la notion de jeu mécanique inventée par Sildoine Fine, où en fait il y a une catégorie de joueuses qui jouent surtout pour voir les mécaniques en œuvre, quoi. C'est quasiment à l'opposé de l'immersion à ce stade-là. Toujours ce côté méta qu'on va montrer, ce que j'aime beaucoup, c'est les confessionnals. On voit dans Jeu de rôle entre potes de Norman ou Role and Play, où en fait on va prendre les joueurs à part et ils vont faire un retour d'expérience, quoi. Donc dans 2D6 plus cool, on avait un débat hein, sur est-ce que le montage donnait une fausse idée du rythme en fait d'une partie de jeu de rôle quoi. En fait, est-ce que l'actuel play donne une fausse idée? Oui et non, parce que peut-être aussi que ça peut donner envie justement de jouer nos vraies parties avec plus de rythme. Alors évidemment, on va pas pouvoir couper les joueuses quand elles bafouillent, mais il y a moyen en fait de s'inspirer de ça pour mener des parties tambour battant, supprimer les jets de dés inutiles, les péripéties inutiles. Aller être un peu plus court dans le roleplay, il y a plein en fait, il y a possibilité de s'en inspirer en fait, même si c'est pas vraiment des techniques de montage, mais il y a des techniques d'animation qui peuvent le permettre. Donc sinon, on avait, c'est la question de la sécurité émotionnelle. Pendant les actual plays, et on voit que le contrat de table est mal géré en actual play parce qu'on a une difficulté à se mettre d'accord en ligne. Moi, en tout cas, je l'ai vécu en fait, bah, quand on est en train de jouer en direct et tout, bah, si on a un problème de sécurité émotionnelle, un problème de contrat de table, on va pas oser se le dire à l'écran. Éventuellement, on va le mettre en chatbox, mais moi, des fois, que c'est sur un chatbox, je le vois pas, je suis trop concentré sur le jeu, quoi. Et du coup, en débriefing, bah, on se rend compte que la partie était mal vécue par certaines des joueuses, et ben parce qu'on n'est pas pu se remettre d'accord. 2d6 plus cool, ce qu'il fait, c'est que s'il y a des joueuses qui cafouillent, en fait, il va couper ses cafouillages au montage. Et bon, je sais qu'il y a un actual play d'Influenza où il y a un joueur qui a planté pendant 10 minutes. Bah, ce qu'on a fait au début, ça enregistrait, mais c'était du différé. Donc en fait, on a coupé l'enregistrement, on a essayé de voir ce qui allait pas, on a fait une pause et tout, et on a repris. Et finalement, le cafouillage, c'est. J'ai juste coupé au montage, quoi. Ça, c'est pareil en jeu IRL, c'est ce qu'il faut faire aussi, hein. Faut pas hésiter des fois à briser le flow d'une partie, parce qu'il y a moyen de se. Il y a besoin de se remettre d'accord sur quelque chose, de relancer la machine. Il y a une notion au niveau des actual plays, enfin, qui est développée par qu'on peut retrouver dans le fait de regarder des matchs de football, le fait de regarder des Twitch de jeux vidéo ou des actual plays de jeux de rôle. On va retrouver ce que Julie Despouilles appelle la notion de jeu secondaire, c'est-à-dire qu'en fait on joue encore quand on regarde en fait une partie de jeu de rôle, et on peut faire ce que Umberto Eco appelle des promenades inférentielles, c'est-à-dire que on va faire des spéculations, on va essayer d'anticiper ce que va dire le MJ, d'anticiper les décisions des joueuses, de dire non, on fait pas ça, tout ça. Et en fait, en réalité, on continue à jouer, quoi. Donc ça s'oppose à la vision d'un Romain Brillant par exemple, qui pense que quand dans un actual play on n'a pas accès au contenu fictionnel malléable, enfin, c'est-à-dire on n'a pas accès à l'espace imaginaire des joueuses, ou alors que le fait de regarder un truc en différé comme le entre guillemets le match est fini, ça vaut pas le coup. Bon, déjà c'est vrai que les actual plays en direct ont beaucoup de succès, on voit Game of Thrones, hein, c'est quelque part l'expérience du direct est plus intéressante, mais il y a le jeu secondaire persiste même une fois que quand on regarde des actual plays en différé. Alors comme petite référence, vous allez retrouver jeu et spectacle, une conférence au Stunfest, hein, qui est sur le podcast Ludologie. Donc ça parle surtout des Twitch de jeux vidéo, mais il y a vraiment des choses à prendre pour les actuels plays de jeux de rôle. Et là-dedans, à nouveau, c'est une sorte de synonyme du jeu secondaire, mais ils ont cette notion de spectateur, qui est évidemment renforcée dans tous les actuels plays où il y a participation du public. On l'a vu notamment avec Game of Thrones et Aventure. 2d6 plus cool le fait aussi un peu.